Ouais, et puis alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je passe à autre chose. Remarquez, on parlera du petit doigt tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je n'ai pas d'oreille droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, vous me direz que j'habite Saint-Rémy-de-Provence. Pour moi, c'est une vraie chance, hein, parce qu'avec Van Gogh, le mythe de Van Gogh qui est là, Van Gogh qui n'a pas d'oreille droite, qui s'est tranché l'oreille droite, et moi, habitant Saint-Rémy et n'ayant pas d'oreille droite, c'était génial. Alors tous les journalistes me demandent, mais bien sûr, c'est à cause de Van Gogh. Alors en fait, la vérité, c'est que j'avais toujours dit que je me couperais un jour l'oreille droite en hommage à Van Gogh, au rasoir, et que je l'offrirais à la Vierge Marie ou à une putain, comme a fait Van Gogh. Et donc tout le monde m'avait pris au sérieux. Alors, l'avantage que j'ai, c'est quoi que je dise, les gens me croient capable de le faire avec mon palmarès. Bon, ça les regarde. Donc simplement, un jour, je suis allé, il y avait une corrida au Sainte-Marie de la Mer. Et là, donc, c'était une vague corrida, mais c'était pas, il y avait des vrais taureaux. Et je suis allé une fois de trop. J'ai promis à ma femme que j'irais pas trop. Et donc, un taureau m'a pris, je sais pas comment. De toute façon, je me suis retrouvé contre la balustrade et j'étais tendu dans la sueur. C'est-à-dire que, comme il y avait beaucoup de sueur, j'étais tout en sang. J'avais la lèvre fendue. J'avais une commotion, je suis resté 3 minutes évanoui. J'avais, bon, l'oreille, on ne voyait plus rien, il y avait du sang, j'avais des côtes, enfin j'étais à mochette partout, je saignais du nez beaucoup, saignais de la bouche, donc on m'a vu perdu. Alors les hélicoptères, la sécurité étaient tous pris, donc il s'est passé une chose assez extraordinaire, que les gens ne croient pas trop, c'est que c'est des motards qui m'ont pris en charge. Il fallait rentrer à Montpellier un dimanche et on a pris l'autoroute en sens inverse, c'est-à-dire que les motards à 500 mètres ou 1 km ouvraient la route et on a pris l'autoroute des Saintes-Maries en direction de Montpellier en sens inverse, c'est-à-dire on roulait à contresens dans l'autoroute. Je trouvais ça merveilleux, la police comme ça pour sauver un performeur. Et voilà, donc on m'a réparé mon oreille avec de soi-disant de la peau d'âne. C'est pour ça que certains moments je fais et voilà, donc vous comprenez, si ça m'arrive de faire ian dans la performance en parlant, c'est qu'à cause de mon oreille en peau d'âne, quoi. Une autre chose, je passe sur une que j'avais préparée, la Monumentale de Mexico, c'est un peu spécial, hommage à Monte Cristo. Donc là, j'ai fait un Monte Cristo étant un de mes héros d'enfance. J'ai sur le port de Nice, j'ai fait un hommage à Monte Cristo, c'est-à-dire que je me suis fait en fac avec des pierres tombales. Mais beaucoup de pierres, ça devait faire 20 ou 30 kilos, et pour aller au fond, être jeté au fond de la mer. Et là, c'est heureusement que je m'étais entraîné dans des piscines, dans des actes, parce que j'avais pris un très grand sac. Et en fait, quand je suis allé chez la piscine d'un ami, ça allait à 3 mètres, je leur avais dit, si au bout d'une minute, je ne suis pas sorti, vous me sortez. Et je ne suis pas sorti parce que le sac était très grand. Parce qu'en fait, j'avais les mains liées et j'avais un couteau entre les mains, mais j'avais les pieds liés aussi. Donc en fait, je ne suis pas sorti de mon sac parce que le sac était très grand. Quand j'ai été à 3 mètres de fond, tout le sac s'est plissé sur moi et il n'y avait pas moyen d'ouvrir. Donc ils m'ont sorti au bout d'une minute, j'étais à moitié de... Et voilà, donc ça m'a permis après pour faire ma vraie véritable performance. Donc j'ai pris un sac qui est, donc je ne suis pas très grand, mais plus petit que moi. Et donc ce qui fait que quand j'ai été au fond de l'eau, parce qu'on descend très vite et on est vite à 8-10 mètres, et là donc j'ai tendu le sac et je suis sorti sans mal. Et voilà, donc sauf que c'était sur une vedette, parce que le capitanat de Nice avait interdit l'accès du port, et là, c'était moi. Donc on a fait ça au large, un peu plus loin. Alors les gens ont crié « chiquet, chiquet », donc j'étais obligé de recommencer mon action, et donc je me suis remis dans le sac, et je suis retourné au fond de la mer et tout, voilà. Autre, par contre, si j'aime mon Monte Cristo, j'ai toujours détesté le pain, parce que depuis la parole de Dieu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et ça ne m'avait jamais plu, cette phrase de Dieu. Et donc, j'étais pour un pain marrant, un pain justement, sans parler de brioche, mais un pain qu'on aurait gratuitement, sans lier le pain à une notion de travail et de sueur. Donc, j'étais invité à un festival à Bordeaux, qui s'appelait le Festival de Sigma 5. Et là, il y avait l'école de Nice. Alors lui, j'étais donc avec Ben, pour parler de lui. Ben, lui, il a pris un suppositoire de Nimbutal, il est resté 24 heures endormi. Et moi, j'ai fait un truc, avant, j'avais bloqué la rue Sainte-Catherine en momie. Et là, donc, il y avait un énorme tas de pain devant la Galerie des Beaux-Arts, mais un tas de pain énorme. Et j'ai brûlé ce tas de pain comme ça, devant, en public, il y avait beaucoup de monde. Et je voulais aussi prouver que c'est plus beau, qu'est-ce que je dis, on écoute les... Ça repose, les cloches. Enfin, un son pur par rapport à mes paroles polluées, là. Voilà, donc voilà, je voulais prouver aussi que dans un festival d'art, on pouvait faire n'importe quoi, que les gens étaient prêts à tout admettre, parce que le pain, bien sûr, a perdu de sa connotation un petit peu ancienne, où le pain, c'était quelque chose de noble, bon, toujours, hein, mais je voulais prouver qu'en brûlant du pain, personne n'a rien dit, les gens ont applaudi, alors que peut-être j'aurais brûlé du pain à la sortie d'une usine ou n'importe où, je me serais peut-être fait casser la figure avec raison. Enfin bref, j'ai brûlé le pain de tous les jours, la malédiction de Dieu, et j'avais une grande malle où, depuis 8 jours, je peignais des pains de couleur, c'est-à-dire qu'avec une peinture comestible, j'ai peint peut-être 200 pains, mais qui étaient multicolores, avec des petites pastilles, c'était très joli, des dessins. Et après, j'ai distribué ce pain à la foule, et les gens sont battus pour avoir ce pain, et j'avais l'impression d'être Jésus-Christ. J'ai refait la distribution des pains. Les artistes sont mythomanes, donc ça, je veux dire, donc j'ai fait la distribution des pains. Et quand je parle de Jésus-Christ, il y a tout de suite la cloche qui m'empêche de parler pour empêcher mon blasphème. Dieu a toujours été contre moi, de toute façon. Là. Comment? Voilà. Voilà, donc simplement, ce qui était drôle, c'est que les gens, j'ai eu la vision que les gens sont partis avec des pains sous les bras et avec un pain qui n'était plus le pain quotidien gris, et c'était un pain gai, un pain, voilà.